Simour. Des cristaux de neige se prennent dans ses cils et il bat des paupières pour s'en débarrasser. Le sac sur son dos est un rocher, un continent. Les gros yeux de chouette jaune peints sur le dépose-livre semblent le poursuivre. Capuche relevée, casque anti-bruit sur les oreilles, Simour monte les 5 marches en granit qui mènent à l'entrée de la bibliothèque. Sur une affichette scotchée à l'imposte en verre de la porte, côté intérieur, une main d'enfant a écrit « Demain soir, représentation unique, la cité des nuages et des oiseaux. » Personne nulle part. Le comptoir d'accueil, la table d'échecs, le coin informatique et l'espace de consultation des magazines, tout est désert. La tempête a sûrement dissuadé les gens de sortir. Derrière le comptoir, le message au point de croix, les renseignements, c'est ici. Il est 17h01 à la pendule. Sur les moniteurs, les spirales des écrans de veille continuent à creuser leur sillon. Simour se dirige vers l'angle sud-est du bâtiment puis s'agenouille dans une travée, entre la section langue et celle de linguistique. Il retire d'une étagère du bas l'anglais sans peine, 501 verbes anglais et le hollandais pour débutants. Case son sac à dos dans le renfoncement poussiéreux et pour finir, remet les livres à leur place. Lorsqu'il se redresse, une cascade de filets pourpres envahit son champ de vision. Son cœur tambourine jusque dans ses tympans. Ses genoux flageolent, sa vessie lui fait mal. Il ne sent plus ses pieds et il a laissé de la neige derrière lui. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et maintenant, ressortir l'air de rien. Alors qu'il retraverse la section non-fiction, le monde semble partir en vrille. Ses baskets pèsent comme du plomb, ses muscles rechignent à travailler. Un chaos de titres défile, langue disparue, empire du verbe, élever un enfant bilingue en 7 étapes. Il laisse derrière lui sciences sociales, religion, les dictionnaires. Le voilà prêt à pousser la porte lorsque quelqu'un lui tape sur l'épaule. Non, ne t'arrête pas, ne tourne pas la tête. Mais il le fait. Devant le comptoir de l'accueil se tient un homme mince, des écouteurs verts dans les oreilles. Ses sourcils sont 2 buissons noirs. Il y a de la curiosité dans ses yeux. La partie visible de son t-shirt dit « J'aime les gros ». Et il serre entre ses bras le sac Janes porte de Simour. L'homme prononce quelques mots, mais avec le casque anti-bruit, il pourrait aussi bien se trouver à 500 mètres de distance. Le cœur de Simour est une feuille de papier qui tour à tour se froisse et se déplie. Le sac à dos ne peut pas être là, c'est impossible. Il faut à tout prix qu'il reste caché dans l'angle sud-est, le plus près possible des bureaux d'Eden's Gate. L'homme aux sourcils épais jette un coup d'œil dans le sac, dont la glissière s'est ouverte en partie. Il relève les yeux avec une expression contrariée. 1000 petits points noirs fusent dans le champ de vision de Simour. Un rugissement s'élève dans ses oreilles. Il enfonce sa main droite dans la poche de son coupe-vent et ses doigts se posent sur la détente du pistolet.